quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'enseignement de l'histoire. Aujourd'hui, le débat, histoire chronologique ou histoire thématique ? Après avoir rendu compte en conclusion de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, qui a été préparé pendant plus d'un an par Séverine Yatard, rendu compte de la façon dont on enseigne l'histoire en France aujourd'hui et des expériences d'enseignement de l'histoire innovante chez nous, nous allons ce matin, dans le débat, poser une question simple avec toujours Séverine Yatard, qui a préparé toute cette série avec nous et qui la co-animera. Donc, histoire chronologique ou histoire thématique, car le débat historiographique de ce jour permettra de se poser des questions sur les apprentissages, les différentes approches, l'enseignement chronologique, l'enseignement thématique lié à la question du temps historique avec nos trois invités. Vincent Capdepuis, il est professeur au lycée Ambroise Vola à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Il sera au téléphone avec nous. Il est géohistorien avec Christelle Boulineau. Elle est chercheuse associée au laboratoire de métaphysique allemande et philosophie pratique de l'université de Poitiers. Elle est auteure de Construire des repères temporels avec des œuvres du patrimoine. C'est aux éditions Nathan. Et avec Simon Catros, il est formateur à l'ESPE. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ESPE ? C'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Et donc, c'est vous qui, d'une certaine façon, avec d'autres, bien d'autres, dans de bien nombreux ESPE de France, enseignez à ceux qui vont devenir les enseignants d'histoire. Tout à fait. Nous demandons que par un enseignement historique et géographique largement conçu, j'ajouterais pour l'histoire au moins totalement refondu, on s'attache à donner aux jeunes gens une image véridique et compréhensive du monde. Voici ce qu'écrivait dans son immense ouvrage, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, L'étrange défaite, Marc Bloch. Bonjour, Séverine Yatard. Bonjour. Il est toujours bon de commencer une émission d'histoire avec une citation soit de Marc Bloch, soit de Jules Michelet. À la Fabrique de l'Histoire. Toujours bien, à la Fabrique de l'Histoire en particulier, où on pourrait rajouter parfois Lucien Febvre. Bonjour à vous, Christelle Boulineau. Bonjour. Bonjour à vous, Vincent Capdepuis. Bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous. Et donc, maintenant, le troisième invité de cette émission, c'est Simon Catros. Rebonjour. Bonjour. Alors, effectivement, Marc Bloch, dans L'étrange défaite, imagine, comme tous les gens qui ont participé à cette entreprise des annales, dans les années 30 en particulier, imagine donc un renouveau de l'enseignement de l'histoire, une nouvelle manière d'imaginer l'histoire qui romprait avec ce qui a été mis en place au XIXe siècle en particulier par la Troisième République. D'abord, peut-être, commençons par cela. Cet enseignement de l'histoire en France est-il si particulier que cela, Simon Catros? Et en quoi, quelles sont ses particularités par rapport à d'autres enseignements de l'histoire dans d'autres pays européens? Alors, il me semble que l'enseignement de l'histoire en France déjà répond à plusieurs fonctions, dont certaines sont très particulières à notre pays et à notre société, notamment une attente sociale assez forte, beaucoup plus marquée que dans d'autres pays, même voisins. Qu'est-ce qu'on appelle une attente sociale, selon vous ? Tout simplement, une attente, par exemple, des citoyens et plus précisément des parents d'élèves à ce que leur enfant apprenne l'histoire ou une certaine histoire qui est souvent, d'ailleurs, imprégnée par l'histoire qui leur a été enseignée à eux-mêmes. Ce qui pose évidemment un problème... Décalage dans le temps. Tout à fait. On va beaucoup parler de conception temps. Des programmes et en termes de rapport entre les programmes, cette attente sociale et d'autre part les avancées de la recherche historienne tout simplement. Et est-ce qu'il y a aussi la question du politique qui rentre en ligne de compte puisqu'on sait bien que les programmes sont travaillés évidemment par des commissions, mais enfin à plusieurs reprises le politique est intervenu dans la formation de ces programmes. Et le rapport du politique en France avec l'histoire aussi. Simon Catros. Tout à fait. Il me semble que c'est une évidence dans la mesure où si l'on fait une simple mesure des prises de parole des hommes politiques actuels sur les programmes d'histoire et sur les programmes, par exemple, de physique-chimie, je pense que la conclusion sera assez immédiate. Et je pense que ces prises de parole s'expliquent par cette attente sociale. Un homme politique qui déroule une vision de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire sait qu'il aura, je pense, tout de suite un auditoire. Et d'autant plus, excusez-moi Emmanuel Lantin, que maintenant, enfin depuis un certain temps, l'EMC, hein, l'éducation morale et civique, est associée à l'histoire-géographie. Oui, alors l'enseignement moral et civique, c'est l'héritier quelque part de l'éducation civique ou de l'ECJS, l'éducation civique juridique et sociale. C'est l'héritier de cela et en fait, ça répond à une autre démarche à l'origine hein, que de faire simplement une instruction civique en fait. L'EMC en effet est associé à l'histoire, y compris dans l'enseignement même, certains programmes de première, je crois, et de terminale, invite les professeurs à associer enseignement moral et civique et histoire, par exemple, à travers l'étude du temps républicain en France. Oui, il y a aussi une autre association qui est presque plus structurante pour l'histoire en France et l'enseignement de l'histoire en France, Vincent Capdepuis, c'est l'association avec la géographie. Oui, qu'on ne retrouve pas effectivement dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays où la géographie est enseignée de façon séparée. Oui, et cela, ça pèse ou c'est disons un atout. Vous êtes spécialiste et géohistorien de ces questions. C'est un atout particulier justement pour la France que d'enseigner le temps et l'espace. Alors, est-ce que c'est un atout? Pas toujours, parce que tous les enseignants n'ont pas une formation égale en histoire et en géographie, que les programmes ne sont pas associés, sont plutôt parallèles, même s'il y a des passerelles entre certains thèmes. Et c'est vrai que des fois, on pourrait rêver d'une intégration peut-être plus poussée entre le programme d'histoire et le programme de géographie, comme ça avait été tenté il y a quelques années dans le programme de Terminal S, mm-hmm. où on avait vraiment des thématiques communes, enfin, géohistoriques. Oui, et on y reviendra avec vous dans un instant, Vincent Capdepuis. Christelle Boulineau, ça n'est pas si simple, le CJS, devenu l'EMC, la géographie, et maintenant, souvent, l'art ou l'histoire des arts. Vous avez fait un manuel qui est paru en 2012 chez Nathan, qui imagine pour les classes de primaire, de grande section CP et CE1, qu'on puisse construire les repères temporels, donc faire de l'histoire d'une certaine façon, ou ce qui est le départ de l'histoire, donc dans le primaire, par l'usage des œuvres du patrimoine, et donc des œuvres d'art en particulier. Tout à fait. Vous m'avez présenté tout à l'heure, et je vous en remercie, Emmanuel Laurentin, comme étant une chercheuse associée dans le laboratoire de philosophie allemande de Poitiers, mais je suis aussi férue, si vous m'autorisez à le dire, de pédagogie. Mmh. Et en tant que pédagogue, j'ai pu éprouver dans mes classes où j'ai enseigné, comme professeur d'école, puis ensuite comme professeur d'histoire, l'importance de créer des ponts entre les différentes entrées disciplinaires, et notamment l'histoire et les arts. Les programmes de 2008 affirmaient cette corrélation nécessaire, cette rencontre au sein de la pédagogie, et il se trouve que ça croisait mes objets de recherche où, à travers la déclinaison des thèses du philosophe Paul Ricoeur, mm-hmm. Qui reprend une phrase du philosophe Gadamer, nous sommes au monde par la médiation des œuvres, des textes, des symboles et des signes. Et donc, il m'apparaissait évident, en écoutant les élèves, hein, en recueillant le dire des élèves, et non pas en imposant ce contexte conceptuel, que les élèves, de façon spontanée, presque naturelle, étaient tout à fait capables de s'inscrire dans une démarche autour des questions du temps, à partir d'un support patrimonial ou d'une œuvre d'art. Oui, alors des exemples que vous donnez dans ce livre qui est préfacé par François Doss, grand spécialiste de Paul Ricoeur chez Nathan. Vous donnez par exemple cet exemple tout simple de la question de la différence entre un enfant qui a 6 ou 7 ans aujourd'hui, au moment où vous écrivez, et la photo de sa naissance. Est-ce qu'il est plus jeune? Comment place-t-on cette photo de naissance dans une chronologie, par exemple? Est-ce qu'il faut la mettre avant? Est-ce qu'il faut la mettre après? Les enfants disent oui, il faut la mettre avant, c'est évident. Voilà. Vous les faites comparer ce nouveau-né dans les bras de sa maman avec un nouveau-né qui est dans les bras d'une autre maman, mais peinte par Georges de la Tour au XVIIe siècle. Tout à fait. Tout le monde connaît la phrase de Paul Ricoeur, il n'y a de temps que penser que de temps raconter. Et si l'on veut recueillir ce que proposent les enfants dans leur rapport au temps, on ne peut pas les faire rentrer dans un contexte conceptuel d'un philosophe. Bon. C'est-à-dire, on ne peut pas leur faire lire Paul Ricoeur. Oui. L'herméneutique est assez éloignée de leurs préoccupations voilà. à ce moment-là. Ceci dit, attention, Ricoeur était à l'école avant Ricoeur. C'est-à-dire que quand on regarde et qu'on écoute et qu'on recueille le dire des enfants dans leur ZAD, leur zone à dire, on se rend compte qu'ils nous parlent du temps et que très étonnamment ou très peu étonnamment, ce qu'ils nous disent va rencontrer les thèses du philosophe. Et qu'il y a des enjeux majeurs quand on leur fait comparer la photo de deux au moment de leur naissance, là, il y a quelque chose d'identitaire. Mmh. Hein. Travailler autour des questions du temps dans ces classes, là, c'est les expériences qui ont été faites depuis la grande section. Ils en sont capables dès la grande section. En fait, dans cette entrée identitaire, ils sont en mesure d'affronter, de se confronter à l'altérité. Et donc, on organise pédagogiquement une limite, Koselleck. Non, c'est pardon. Reinhard Koselleck. Oui. Et puis, Wittgenstein, le philosophe Wittgenstein, disait que le sujet, c'était limite. C'était la limite au monde. Et dans les programmes, on nous demande d'accompagner ces enfants dans la découverte du monde. Et au final, c'est en s'y prenant de cette manière qu'on leur fait découvrir l'altérité du temps. Parce que, oui, il faudrait peut-être préciser qu'un enfant qui a la maternelle et même encore dans le primaire, bien sûr, qu'il s'agit du cycle 2 ou même du cycle 3, il a quelle notion du temps il a, enfin, un petit enfant, il a à peine l'idée de hier, aujourd'hui, demain, enfin, en tous les cas, il faut qu'il se la réapproprie par rapport à sa vie personnelle, c'est ce que vous expliquez, Christelle Boulineau, mais on peut avoir le sentiment que, c'est soit facile pour un enfant, même d'école primaire, d'établir une chronologie, de savoir que préhistoire c'est avant, Moyen-Âge, enfin voilà, toute la suite chronologique. Alors je suis habituelle. Dans une grande loyauté à l'égard des programmes, puisque j'ai des fonctions actuellement d'inspectrice de l'éducation nationale qui m'amène à être dans une lecture très républicaine des programmes, et ces programmes nous sont nécessaires pour garantir l'indivisibilité de la République. Mais d'un autre côté, j'apporterai une nuance à la lecture qu'on fait habituellement du rapport au temps des élèves. Prenez une classe de grande section de maternelle, voire de moyenne section en fin d'année. Et j'ai fait ces expériences au moins dans 20 classes. Les enfants, en dehors de quelconque discours qui viennent des programmes, qui viennent des chercheurs, sont déjà dans une inscription dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vous parleront spontanément des dinosaures, ils vous parleront spontanément d'Astérix et d'Obélix, et plus ces questions historiques que les programmes nomment le temps long, les taraudent, dès qu'ils commencent à avoir conscience de qui ils sont, à travers deux marqueurs temporels essentiels, leur naissance et la mort, pas leur mort, la mort. Mmh. Et c'est dans cette tension qu'il y a des choses pédagogiquement à construire. Alors Simon Quatros, on voit bien combien on peut penser avec Paul Ricoeur cette question de la chronologie, de la nécessaire chronologie pour pouvoir installer des bornes chronologiques auprès des élèves du primaire. Mais ça n'est pas ce que vous enseignez directement, vous, dans l'ESPE où vous êtes, auprès de ceux qui vont devenir des enseignants d'histoire ou des enseignantes d'histoire. Alors, je précise que j'enseigne à des enseignants stagiaires, donc qui ont eu le concours l'année dernière, aussi bien du premier degré et du second degré. Et évidemment, la formation qu'on délivre à ces deux publics est tout à fait différente. Dans un cas, pour le second degré, on a affaire, on peut le dire facilement, à des spécialistes qui ont fait une licence d'histoire ou de géographie, et c'est la question que pose Vincent Cap depuis aussi tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément fait de l'histoire et de la géographie universitaire. Mais en dehors de ce détail, on va avant tout leur enseigner, leur expliquer, les former à l'enseignement de l'histoire et de la géographie. C'était tout à fait différent de lire ou de faire de l'histoire et de la géographie et de l'enseigner. Pour les enseignants du premier degré, en effet, c'est assez différent. On a des programmes qui insistent sur la construction du rapport au temps par les enfants et sur la nécessité, notamment en cycle 1, donc en maternelle, en cycle 2, CP, CE1, CE2, d'accompagner les élèves, d'accompagner leur développement dans cette construction au temps. Ce qui passe, en effet, par une construction au temps personnelle, comme le dit Madame Boulineau, le temps qui leur est propre. Et en effet, je suis assez d'accord avec ça. Il ne faut pas penser qu'ils ont qu'ils sont incapables de construire le rapport à un passé, au passé, à des événements passés. Je prends l'exemple d'un élève de moyenne section qui est parfaitement capable, qui est un exemple concret, hein, qui était parfaitement capable de distinguer au mois de janvier un événement du passé proche, Noël, et un événement du passé lointain qui l'avait marqué aussi, un mariage dans sa famille. Et il était parfaitement capable de formaliser, de dire le fait que... De faire une frise chronologique de sa propre fait. Vie, c'est ce que vous voulez tout dire. Tout à fait, en tout cas de l'exprimer. Ouais. Peut-être pas de la dessiner, bien sûr, mais d'exprimer le fait que cet événement était il y a peu de temps, et dans le passé, mais il y a peu de temps, et cet autre événement était il y a plus longtemps. Donc, l'objectif de l'enseignement, en tout cas en cycle 1, c'est bien d'accompagner cette construction du temps par les enfants, notamment par l'emploi d'outils tels que des séquences d'images ou des frises chronologiques. Mais alors, toujours par rapport à leur vie personnelle, enfin leur identité, voilà, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure. Tout à fait. Vincent Cap, depuis, il y a ce temps, et puis il y a l'espace, et qu'il faut appréhender ensemble, puisque vous êtes géohistorien, vous pensez qu'il n'est pas possible d'imaginer, justement, quand on travaille dans l'enseignement de l'histoire en France, d'imaginer justement ce temps sans espace, et cet espace sans temps, c'est ce que disait Fernand Braudel à la fin de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il écrivait cela dans la Méditerranée au temps de Philippe II. C'est ce qu'il a peut-être tenté de mettre en place dans les programmes qu'il a tenté de mettre en place à la fin des années 50 et qui n'ont pas été véritablement appliqués. Et c'est ce que vous pensez qu'il faudrait faire aujourd'hui avec d'autres géohistoriens, même si on les appelle parfois géographistoriens, par exemple, on pourrait inventer cette contraction de mots qui vont ensemble, Vincent Cap, depuis. Oui, alors ça ne serait qu'une réinvention parce que le mot existe, il a été inventé par Jean Bodin. Il parle des géographes historiens. Jean Bodin, donc oui. au XVIe siècle. Exactement. Oui, pas mal. Donc, voilà, donc vous le plagiez sans le savoir. Et puis, alors, il faudrait quand même distinguer, à mon avis, deux choses, c'est-à-dire que quand on est dans l'utilisation des repères, il y a cette phrase qui traîne au XVIIe, au XVIIIe siècle, hein, la géographie et la chronologie sont les deux yeux de l'histoire. Mmh. Et je pense que c'est très important d'avoir cette construction de repères par l'utilisation de frises chronologiques, hein, sous une forme ou sous une autre, comme par l'utilisation de cartes. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment ou à un autre, quand on fait l'histoire, de positionner à la fois dans l'espace et dans le temps. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire sur la frise chronologique. Hein. C'est quelque chose dont on discutait assez régulièrement dans les séminaires de Christian Grataloup lorsque j'étais doctorant. Hein. Comment rénover cet outil. Christian Grataloup, qui est un grand géohistorien français, en l'occurrence, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il faut absolument le lire dans divers ouvrages, en particulier ses lieux d'histoire, qui sont tirés de sa thèse, mais bien d'autres ouvrages depuis. Exactement. Alors, les lieux d'histoire, c'est le plus difficile à trouver. Mais... Et donc, voilà, on en parlait souvent parce que la frise chronologique était un peu le parent pauvre quand même de l'histoire. Il y a une pratique très traditionnelle de la frise. Et on considérait qu'il fallait un petit peu renouveler cet outil, comme il y avait eu un renouvellement des représentations cartographiques. Et on allait jusqu'à imaginer ce qu'on appelait des chronèmes. Donc, oula, des chronèmes. Mais sur le modèle des chorèmes, hein, c'est-à-dire c'est les chorèmes, c'est une invention d'une école géographique, en particulier celle de Roger Brunet, qui l'a beaucoup développé dans les années 80, et qui sont des représentations, pourrait-on dire, graphiques d'espace géographique. Voilà, c'est une modélisation de l'espace, une représentation modélisant de l'espace, et on imaginait la même chose pour le temps. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas abouti, mais c'est un chantier qui, à mon avis, reste ouvert et pourrait être repris parce que il y a des choses à faire sur la frise chronologique pour penser la diachronie, hein, c'est-à-dire le temps dans sa succession, mais aussi pour penser la synchronie et pour la mettre en évidence. Et ça me paraît très important. Donc il y a tout ce travail de repérage, donc et dans le temps et dans l'espace. D'une part, et puis par ailleurs, il me semble que c'est différent, il y a toute la réflexion d'ordre géohistorique, ce qui nécessite de définir un petit peu la géohistoire. Alors, c'est à la fois, c'est un double processus, hein, puisque d'un côté, c'est une géographicisation de l'histoire, hein, c'est-à-dire mettre en évidence le rôle des facteurs géographiques, hein, spatiaux dans l'histoire. Mmh. Et puis aussi une historicisation de la géographie, mm-hmm. Ce que Philippe Pelletier appelle plutôt la métagéographie, mais c'est aussi la géohistoire que pratique Christian Grataloup, et je pense qu'il a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises à votre antenne. Hein. Assez souvent, oui, effectivement. C'est-à-dire réfléchir sur ces concepts qu'on imagine, qu'on peut penser comme ça, spontanément un peu naturels, comme les continents, hein, l'Europe, l'Afrique, etc., hein, et montrer que tous ces concepts ont une construction historique et qu'il est important de prendre ce recul pour comprendre comment s'est construit le concept d'Europe, comment s'est construit le concept de croissance fertile, etc. Alors ça, c'est très intéressant parce que on voit bien combien quelqu'un qui réfléchit de là où il est, comme Simon Capdepuy, a ses concepts de géographie. Vincent Capdepuy, pardon. Je voulais vous donner la parole, Simon Cadros, c'est pour ça. Mais combien il réfléchit à ces questions de façon presque théorique, pourrait-on dire. Mais ensuite, il y a la mise en pratique de tout ça. C'est-à-dire qu'il dit dans des textes, Vincent Capdepuy dit, il est peu pertinent de distinguer le temps et l'espace dans l'appréhension des faits humains. Ce qu'on peut considérer, comme depuis Marc Bloch et même Fernand Braudel, comme étant intéressant. Mais il faut pouvoir le mettre en application auprès des jeunes élèves, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Alors, tout à fait, c'est le lien entre temps et espace, notamment dans l'enseignement d'histoire et de la géographie, il est évident. Il est évident aussi, tout simplement, quand on feuillette un manuel d'histoire. Il est impressionnant de constater le nombre de cartes que l'on trouve dans ces manuels d'histoire. Et ça renvoie à quelque chose de tout simple, c'est qu'en effet, l'histoire est l'étude des sociétés du temps passé et que ces sociétés doivent être localisées, situées dans l'espace pour que les analyses historiques prennent sens. Après, il y a quelque chose de très significatif, c'est en effet l'insertion de certaines notions, de certaines dynamiques de réflexion géographique dans le traitement de l'histoire scolaire. Je donne deux exemples très rapidement. C'est la notion de mondialisation qui est intégrée par exemple dans les programmes de première aujourd'hui et qui permet de penser l'émergence d'économies monde, d'abord britannique puis plus globale, hein, entre le 19e et le 20e siècle. C'est aussi par exemple dans la formation, dans la réflexion sur certaines questions telles que le Moyen-Orient fin 19e, fin 20e, qui est une question au programme du CAPES actuel et que j'enseigne. Il est impressionnant de voir comment les notions de frontières, de mondialisation, de centres périphériques, qui sont des notions proprement géographiques, en tout cas à l'origine, permettent de construire du savoir, des analyses sur cette problématique historique des sociétés du Moyen-Orient. Une des questions qu'on se pose, Christelle Boulineau, c'est la façon dont migrent des innovations de la recherche la plus pointue, pourrait-on dire, en histoire et en géographie, vers justement les enseignements du primaire ou de secondaire. Est-ce qu'il faut courir après l'innovation d'une certaine façon, ou est-ce qu'il faut se poser de temps en temps, parce qu'on voit bien qu'effectivement il y a une volonté souvent de se dire, mais puisqu'on a inventé certains concepts pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale, les questions de brutalisation, etc., est-ce qu'on va les faire rentrer tout de suite dans les programmes du secondaire? Est-ce qu'on attend un peu que ça se refroidit? C'est ce qu'il faut toujours être à la pointe de la recherche dans l'enseignement du secondaire ou du primaire. Ce sont des questions qu'on se pose tout le temps, j'imagine, quand on fait un travail comme le vôtre, de regarder justement ces enseignements. On se les pose d'autant plus en tant qu'inspectrice à l'heure actuelle, quand on a un ministre de l'Éducation nationale qui souhaite et qui travaille à la construction du rapprochement entre la recherche et la pédagogie. On ne peut que s'en réjouir. Ceci dit, Monsieur Laurentin, si vous m'y autorisez, j'aimerais interroger cette expression. Il s'agit de décliner la recherche dans la pédagogie. À mon avis, on ne pourra pas rapprocher la recherche de la pédagogie ou la pédagogie de la recherche pour que la recherche dise des choses à la pédagogie, mais que la pédagogie, dans un renversement épistémologique, dise des choses à la recherche, si on se situe dans une métaphysique des choses. Et c'est là où Ricoeur est très précieux, très très précieux, pour qu'il soit dépassé. Ensuite, reprenons ce que dit Ricoeur à propos de Hegel dans le tome 3 de Temps et Récit, expression reprise par François Dos dans son livre sur Ricoeur, Le sens d'une vie, où il faut savoir renoncer à Hegel. Alors, renoncer à Ricoeur, ça veut dire découvrir, ça veut dire se confronter, ça veut dire le dépasser. Mais pour l'instant, Ricoeur nous est précieux parce qu'il nous amène à un renversement épistémologique dans cette rencontre nécessaire entre l'enseignement du temps et de l'histoire dans les petites classes, par sa proposition où nous ne sommes pas d'un côté dans une théorie qui s'opposerait à une pratique, mais nous sommes dans un texte qui est à la fois une action et une action qui est à la fois un texte. Je m'appuie sur la citation de Ricoeur où toute action serait un quasi-texte. Et c'est ce concept, c'est ce contexte conceptuel qui va nous aider à former les professeurs d'école à l'innovation, voire à la recherche, ce que je m'évertue de faire à l'échelle de ma circonscription, où, du coup, dans ce renversement, la pédagogie dit des choses à la recherche, et donc, les élèves disent des choses aux professeurs. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faudrait pas que les grands chercheurs, les chercheurs qui travaillent donc dans leur laboratoire, dans le supérieur, par exemple, soient sourds à cette question de la pédagogie comme étant une possibilité pour eux de renouveler leur concept, de se remettre en cause et d'imaginer autre chose. Je crois que les chercheurs, ils vont faire ce qu'ils peuvent, enfin dans leurs immenses compétences et dans leur grand savoir. Mais je crois qu'il y a, je suis désolée, hein, il y a un problème qu'il va falloir que nous interrogions en France. Quand on regarde les rapports de PISA, on s'interroge, on veut des changements, on veut. Mais je crois qu'à mon sens, ça n'est que mon humble avis, il y a un problème du statut de la pédagogie en France. Elle est tellement décriée, cette pédagogie, tout de même. Souvent, dans le discours public, ça fait partie. Oui, mais sortons de ces fausses oppositions entre le pédagogisme et les sciences pour aller vers des textes et des actions qui se rencontrent, où les actions pédagogiques seront des quasi-textes. Et si nous sommes capables de dépasser ces fausses oppositions, si la pédagogie avait une place reconnue en termes de discipline de recherche, ce qu'elle mérite, ce qu'elle pourrait être. Oui, mais tout ça, on en est d'accord, mais vous voyez bien combien la situation française aujourd'hui, le clivage qui est instauré autour de justement ces questions, mais nous allons le histoire dépasser. Chronologique, histoire thématique, Ricoeur par exemple. Ricoeur va nous aider. On peut l'espérer. Au-delà de ça, on comprend bien aussi quand on regarde un petit peu l'histoire de la mise en place des programmes, hein, successivement, qu'il s'agisse des programmes de Braudel en 57, ensuite les programmes ABI qui vont être contestés parce que justement, ils sont pas suffisamment ancrés dans cette fameuse chronologie. On voit bien qu'il y a aussi toujours soit une alliance, soit une désalliance d'ailleurs entre enseignants du secondaire et université. Et vous, par exemple, Vincent Capdepuis, vous évoquez l'idée que, bon, certes, la géohistoire, vous la prenez dans le secondaire, parce que, en même temps, pour se distinguer d'une certaine manière de l'université, où quand même chaque discipline a sa propre autonomie. À l'université, on fait pas de la géohistoire, on fait soit de la géographie, et puis on peut prendre en option histoire, soit on fait de l'histoire, et on prend en option de la géographie, et puis éventuellement, on a des cours de géohistoire si on a un enseignant qui est passionné par cette discipline. Oui, alors non seulement il y a la coupure entre géographie et histoire, mais alors je crois que c'est encore pire. Entre le milieu universitaire et le... Oui. Non, ce que je veux dire, enfin à l'université, entre les spécialistes des différentes périodes historiques. Ah oui. C'est quand même assez compliqué d'avoir des sujets de doctorat en particulier qui transcendent ces clivages entre le 18e, le 19e. Faut-il découper l'histoire en tranches dans son dernier livre? C'est ce que disait Jacques Le Goff, qui était évidemment partisan de la suppression de ces barrières chronologiques qui nous viennent d'ailleurs de la constitution même du savoir chronologique du 19e siècle, en l'occurrence Vincent Capdepuis. Oui, complètement. Et là, là, on en est très loin à l'université. Et bon, et c'est la même chose dans le secondaire ou dans le primaire, hein, où il faudrait effectivement décloisonner ces tranches d'histoire n'ont pas grand sens. Là, il y aurait une réinvention à faire des programmes. Oui, Simon Quatros. Alors, je vais essayer de rebondir un petit peu sur le propos de mes deux collègues. Alors, par rapport à ces tranches d'histoire, il faut quand même voir que, en effet, les historiens de l'Antiquité, les historiens des temps contemporains n'ont pas forcément les mêmes notions, les mêmes approches, les mêmes sources, parce que cette division en périodes et en... On peut dire pour critiquer en chapelle, mais en fait en champ institutionnel, elle renvoie aussi à une différence de pratique des sources. Faire de l'histoire, c'est quand même pratiquer les sources. Or, à mon avis, on ne peut pas pratiquer les sources à partir d'un certain niveau d'expertise, de la même façon quand il s'agit d'une affiche de propagande de l'État de Vichy ou d'une inscription trouvée à proximité d'un site archéologique égyptien. Vous savez bien, Simon Quatros, qu'aujourd'hui, par tout un tas de d'innovations, pourrait-on dire, que ça soit la question du genre, etc., s'applique par exemple aussi bien, la lecture de genre peut s'appliquer aussi bien pour l'Antiquité classique que pour les sociétés contemporaines. Donc on a aussi des passerelles entre les périodes chronologiques. Tout à fait, sur le plan de certaines notions, mais la pratique de l'histoire à travers la pratique des sources ne peut pas nécessairement, à mon avis, être la même. Quand je discute, je suis personnellement contemporanéiste du XXe siècle, quand je discute avec des collègues qui sont antiquisants, avec des collègues qui sont médiévistes, je constate tout de même le gouffre dans la pratique que l'on fait de l'histoire, parce que tout simplement nous ne disposons pas des mêmes sources. Et c'est que cela doive être inscrit dans les programmes à ce point qu'on ne puisse pas envisager dans les programmes scolaires peut-être des études transversales, par exemple de la question du genre, plutôt qu'une étude du genre qui est dans les programmes, l'étude du genre, mais qui est segmentée. La femme à Athènes, la femme sous la Révolution, la femme dans la société française républicaine, fin 19e et 20e siècle, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, je pense qu'il ne faut peut-être pas non plus tout à fait renverser la table et il faut peut-être conserver quand même, pour que les élèves aient une approche du temps un peu structurée, une certaine périodisation. Christelle Boulino. Il faudrait presque être en mesure de penser la pédagogie du temps dans un en même temps. Désolée, ça n'est pas une facilité de ma part, mais ça renvoie à un concept fondamental de l'aporie qui renonce quelque part à la dialectique. La dialectique oppose les termes, l'aporie met les termes au milieu du chaudron et pense trouver la solution dans le processus complexe. Les programmes le font quelque part. Quand on parle de l'enseignement du temps long en CE2 et qu'à travers la phrase il est écrit les élèves de CE2 construisent leur rapport au temps long, qu'est-ce qu'on a ? On a la rencontre d'une épistémologie brodélienne de l'histoire. Qu'est-ce que le temps long ? Et d'une approche cognitive ou psychocognitive ou piagétaine, qui est dépassé. Regardons ce que nous dit actuellement la psychocognition dans le dernier livre, dans un des livres d'Olivier Houdet, de que sais-je sur qu'est-ce que le raisonnement. Olivier Houdet est un psychocognitiviste. Ce que disent d'autres psychocognitivistes, que cette définition de la construction de la abstraite des élèves se ferait de façon linéaire en escalier. Donc dans cette phrase des programmes, on a la rencontre, peut-être est-ce que je me trompe dans mon analyse, mais c'est un peu comme ça que d'une je formule. D'une vision ancienne. D'une vision épistémologique de l'histoire brodélienne qui, à mon sens, devrait ne pas impacter aussi fort sur les conseils de procédures pédagogiques, et une vision de Piaget qu'il nous faut absolument dépasser. Donc, concilions les apports de la psychocognition et une épistémologie de l'histoire qui soit un petit peu plus actuelle, je suis désolée de le dire, que de Brodel. Alors là, vous mettez Brodel au placard, là, c'est... Non, mais j'ai tendance à penser que Brodel, dans ses propositions, doit être dépassé dans le sens d'un renoncement tel que je l'énonçais tout à l'heure. On en garde ce qui est bon. Et Brodel a tendance à me gêner un peu dans ses propositions épistémologiques quand on parle de la pédagogie de l'histoire dans le premier degré. Parce que je pense que nous ne regardons pas et nous n'écoutons pas suffisamment ce que les enfants nous disent de leur rapport au temps. Vincent Capdepuis, sur cette remise en cause de celui qui est qui est le père de la géohistoire, en l'occurrence Vincent Capdepuis. Oui, alors d'une certaine géohistoire. Je crois qu'il m'a semblé entendre quand même une petite confusion à propos de Brodel sur le temps long, parce que quand on aborde à l'école primaire, c'est le temps il y a longtemps. C'est pas forcément le temps long dans ce qui perdure au fil des siècles et au fil des millénaires. Il y a deux choses différentes, parce qu'en fait on peut faire du temps il y a très longtemps et faire de la micro-histoire. Les chantiers archéologiques paléolithiques montrent des des tranches de vie de ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Je crois que c'est plutôt ça qu'on fait plutôt que du temps long. Du temps long, on en fait très très peu. Hein. Montrer ce qui dure. Les persistances. On les évoque très rarement en fait. Oui, Christelle Boulineau veut vous répondre. Elle bouille à vous répondre. Ce sont des questions qui me passionnent et j'y consacre beaucoup de temps depuis de nombreuses années, comme tout le monde d'ailleurs. Oui, il me semble pas que qu'il y ait un mélange des genres. Ce que je voulais dire, d'une façon peut-être un peu maladroite, je vous le concède, c'est que pour penser la pédagogie de l'histoire dans le premier degré, il ne faut pas considérer que la pédagogie va s'inscrire dans les cadres conceptuels de l'épistémologie de l'histoire. C'est plutôt ça que je voulais dire. Oui, Simon Quatros. Oui, ouais. Alors je voudrais préciser par rapport à tout à l'heure, Madame Boulineau a parlé de la recherche et du fait que la recherche doit aussi partir de ce que l'on peut observer, entendre, voir dans des classes en partant des élèves. Je précise qu'il faut quand même, je pense, préciser qu'il y a la recherche historique qui travaille sur des sources et il y a la recherche en matière de sens de l'éducation, de pédagogie. Mmh. Et là, j'approuve votre propos, en effet, c'est tout le problème du rapport entre la classe, l'expérience, et puis la conception, la didactique. Donc voilà, sur les avancées de la recherche historique dans les programmes, il me semble que pour certaines, elles sont quand même bien intégrées, souvent avec retard d'ailleurs, quand on fait l'histoire des programmes, oui, il y a souvent un temps assez long. Il y a des exceptions, mais il y a un temps assez long, en général, une ou deux décennies, avant que les avancées de la recherche soient pleinement intégrées dans les programmes. Après, par rapport à ce que vous dites sur les deux temps longs, je crois comprendre un petit peu le hiatus. Le temps long abordé en CE2, selon les programmes, il est abordé à partir d'une expérience personnelle des élèves. C'est un temps long, il me semble, au sens où il devient déconnecté de l'expérience personnelle des élèves. En CE1, il travaille sur le temps des parents et des grands-parents. Mmh. Après avoir travaillé en CP et en maternelle sur leur temps, en fait, le temps de la classe, le temps de leur vie personnelle. Et donc, c'est un temps qui est en référence à l'actualité, en fait, à leur actualité. C'est en cela qu'il est long, c'est qu'il est déconnecté de leur actualité. Tandis que le temps de Brodel, évidemment, le temps long de Brodel se situe autrement, à l'échelle d'une civilisation et d'un espace. Mmh. C'est peut-être là qu'est la différence entre ces deux temps longs. Ça mériterait qu'on échange de façon plus... on le fera en dehors de cette émission, si vous voulez bien. Vincent Capdepuis, tout de même, qu'est-ce qui explique, selon vous, que ces questions chronologiques ou thématiques soient rejouées très régulièrement depuis au moins les années 50, enfin depuis les programmes Brodel, et puis ensuite depuis 1979, on n'apprend plus l'histoire à nos enfants, la pétition qui avait été lancée entre autres par Alain Decaux, et puis encore plus récemment par tout un tas d'ouvrages qui disent qu'en fait ça ne marche pas et que c'est justement parce qu'on aurait abandonné un cadre chronologique qui permettrait aux enfants de s'y retrouver que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce qui fait que cette question est une question aussi récurrente dans le débat public français ces temps-ci? Oui, alors juste sur ce point, je crois que justement il est important de distinguer ce qu'on a dit durant la première partie de l'émission, c'est-à-dire je crois que tout le monde est d'accord pour dire l'importance de la chronologie, l'importance des repères. C'est un autre problème que celui de programmes chronologiques. C'est-à-dire remettre en question ces programmes et cette structure chronologique, ce n'est pas remettre en question l'usage de la chronologie et l'importance des repères. Je crois que c'est important de le rappeler. Cet attachement à la chronologie, c'est d'abord l'idée que un programme qui serait chronologique aurait en lui-même un sens. C'est-à-dire qu'on a un récit... La flèche du temps. Ouais, il y a un récit qu'on répète et qui est très ancien. Hein. C'est pas, il n'a pas 50 ans, il a au moins 200 ans, sinon plus. Hein. C'est ce que le géographe James Blott appelait l'histoire tunnel. Hein. On déroule depuis l'Orient ancien, en passant par la Grèce, par Rome, par le Moyen-Âge chrétien, etc., jusqu'à aujourd'hui. On déroule un récit qui aurait un sens et que les élèves découvriraient par paliers, hein, c'est ce qui est évoqué, alors que et ces paliers peuvent être remis en question, et là je suis parfaitement d'accord, et ce récit peut être remis en question parce que en réalité c'est un héritage qu'on a reçu, qu'on répète et qu'on n'arrive pas à remettre que certains d'entre nous n'arrivent pas à remettre en question dans un contexte qui est radicalement différent et et qui devrait intégrer de l'histoire globale. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Simon Quatros, beaucoup voudraient voir enseigner à leurs propres enfants ce qu'on leur a enseigné 30 ans ou 40 ans plus tôt. Voilà, voire même avant, puisqu'on nous parle de l'école de Jules Ferry. Or, à ma connaissance, aucun de nos contemporains n'a été le contemporain de Jules Ferry. Et c'est pourtant la référence. Plus ça va, moi, il y a des gens qui ont connu Jules Ferry. Voilà, ça, c'est sûr. Et c'est la référence qui revient de façon permanente. Alors, je cite quand même Antoine Prost, hein, qui mentionne, qui rappelle la faible efficacité quand même de ces programmes purement chronologiques. Il prend des sources dans les années 20 et il constate que dans les années 20, déjà la moitié d'une classe d'âge arrive au certificat d'études. Aujourd'hui, je crois que la quasi-totalité d'une classe d'âge arrive au brevet des collèges, qui peut être vu comme un certain équivalent. Et que dans cette moitié d'une classe d'âge, seule la moitié, donc un quart finalement, était capable d'associer simplement 1789 avec la prise de la Bastille ou la convocation des États généraux, etc., etc. C'est-à-dire que cette chronologie, ce rapport très chronologique à l'histoire qui résultait de ces programmes un peu laviciens, eh bien, son efficacité, déjà, elle est contestable. Ensuite, ce que disait Vincent Cap depuis, c'est que la chronologie n'est pas du tout... Dans nos programmes, il n'y a pas de déconnexion avec la chronologie. L'organisation même des programmes, on prend le programme de CM1, CM2, c'est une histoire de France, une quête en fait pour les élèves des origines du monde, de la société dans laquelle ils vivent, et elle est organisée de façon strictement chronologique. Mais pourquoi ces débats dans la société, en dehors du cercle des professeurs et de la pratique, parce que tout compte fait, notre série sur la fabrique de l'histoire scolaire qui a été prévue depuis le début et réalisée par Séverine Attard, s'attachait à la pratique de l'enseignement de l'histoire, au-delà des discours qu'on a sur cette pratique de l'extérieur. Et pourquoi donc ce discours permanent de la disparition de la chronologie, Simon Quatros, et puis Christelle Boulineau. Je pense que ça fait partie des débats de société sur lesquels on peut constater en France une certaine polarisation parfois un peu fictive, c'est-à-dire une exacerbation des tensions entre deux positions extrêmes, en l'occurrence thématique contre chronologie, qui en fait n'est pas une réalité dans les faits. N'a pas de raison d'être, Christelle Boulineau. Il me semble aussi que ça renvoie, enfin moi je suis dans le premier degré, j'étais dans le second degré, je suis revenue dans le premier degré, ça renvoie à une spécificité des questions pédagogiques majeures dans le premier degré. Où, à mon sens, la chronologie a été vécue d'une façon trop verrouillante, trop immobile. Et faire de l'histoire aux élèves, c'est les appareiller d'une critique des choses. Il est évident qu'il faut, dans les petites classes, hein, ordonnancer le temps, hein, plus que l'ordonner, mais aider les élèves à s'y repérer. Et en même temps, il faut les faire réfléchir sur ce qu'est le temps. J'étais à Michelet, à l'école Michelet de Niort, dans la classe Mme Pambrin. Je fais un petit bonjour à ces petits élèves avec qui je fais des expériences actuellement. Et nous avons travaillé pendant 4 sections pour la réécriture du livre, sur épistémologiquement, dans ce que je pourrais appeler, dans le cadre de mes recherches, une épistémologie pédagogique. Et nous avons interrogé avec eux ce qu'est l'histoire, ce qu'est le temps. Et c'est parce que nous avons pris ce temps d'interroger le sens du temps dans son ordonnancement que les élèves ont été d'autant plus capables, après, de remettre les choses en ordre. Et puis d'autre part, peut-être qu'aussi aujourd'hui, la pédagogie, à travers de fausses polémiques, aurait besoin d'un petit peu de calme. De calme. Et est-ce que, par exemple, vous, Simon Quatros, qui formez des instituteurs, hein, des professeurs des écoles, on dit maintenant, qui n'ont pas justement cette formation d'historien, est-ce que pour eux, finalement, peut-être qu'une approche chronologique, c'est plus simple? Peut-être qu'établir des chronologies, ça leur paraît plus accessible face à des élèves de CE2, CM1, CM2 que une histoire plus thématique, une histoire plus socioculturelle. Alors, dans la formation qu'on dispense à ces enseignants stagiaires du premier degré, on distingue bien les deux et on enseigne bien les deux. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont pour 95% des gens qui n'ont pas fait d'histoire universitaire et pour lesquels, donc, il faut procéder à un certain nombre de rappels de connaissances ou de délivrances de connaissances. Je pense pour qu'ils puissent notamment enseigner les programmes du CM1 et du CM2 qui sont quand même assez pointus, hein, sur le temps des rois, sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire, qui demandent un socle de connaissances assez important à ces enseignants. Et puis, il y a aussi un enseignement, cette fois-ci plus pratique, qui vise tout simplement à les familiariser avec l'utilisation d'outils pour l'enseignement du temps et l'enseignement de l'histoire du cycle 1 de la maternelle jusqu'au cycle 3, CM1, CM2. Je pense à des outils tels que la frise, hein, dont parlait tout à l'heure Vincent Capdecuy, et qui est vraiment au cœur, au cœur de cette approche du temps par les élèves du cycle 1 au cycle 3. Dès la petite et la moyenne section de maternelle, c'est par exemple, pour les élèves, organiser dans le temps des images qui correspondent à un conte qui a été lu. Et c'est déjà... Mais de quel temps s'agit-il? Et y a des manuels, c'est déjà un premier rapport au temps organisé et structuré de façon chronologique. Et des outils, justement. Et d'autres outils. Il y en a des manuels pour justement les professeurs des écoles. Ah oui, ils ont des manuels qui leur permettent d'enseigner, enfin des manuels qui sont utilisés par les élèves. Et puis après, il y a des ouvrages. Je pense à l'ouvrage de Benoît Falaise, par exemple, hein, enseigner l'histoire à l'école, donner goût et interroger le passé pour faire sens aujourd'hui. C'est un ouvrage qui fait moins de 100 pages, qui est tout à fait accessible et qui permet, à mon sens, à ces enseignants de situer ce qu'est le récit dans la classe d'histoire, ce qu'est une frise chronologique, le sens aussi de cet enseignement. Vincent Capdepuy. Oui. Alors, deux choses. Je crois que pour répondre à votre question sur l'importance accordée à la chronologie, il y a l'importance donnée à cette chronologie comme généalogie, en fait. Aussi ouais. de ce que nous serions. Hein. Il y a une dimension identitaire qui est très forte. Or, ça pose la question de ce qu'on veut faire dans l'enseignement d'histoire. Est-ce qu'on veut enseigner une identité ou est-ce qu'on veut donner à nos élèves des concepts, des repères, leur permettant de comprendre la société, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Bon, d'une part, et puis d'autre part, sur l'ancienneté du débat chronologique thématique, moi, j'ai en mémoire un manuel d'histoire mondiale qui date, américain, donc états-unien, qui date de 1945, et The Ladder of History, donc l'échelle de l'histoire. Et les auteurs proposent, il y a deux parties. Il y a une partie chronologique, donc une histoire du monde qui n'a rien de très original, hein, qui est ce même tunnel historique, et puis une deuxième partie qui est thématique, et qui aborde les religions, les conditions de travail des hommes, les familles, etc., etc., sur le temps long, dans la comparaison. Je vois que un demi-siècle plus tard, on n'a même pas atteint ça. Oui, vous disiez tout à l'heure, Christelle Bolino, on va pouvoir dépasser ces fractures, ces différences, ces difficultés, etc. On y arrivera à dépasser tous ces débats qui sont pourtant récurrents. Qu'est-ce qui vous donne cet optimisme-là, Christelle Bolino? C'est parce que au sein de ma double fonction d'inspectrice et de chercheuse, je tente de former les professeurs d'école à ce dépassement, en les formant à l'innovation et à la recherche. Et y a des choses qui ont été bien reçues, qui fonctionnent bien. C'est en cours, c'est un processus. Et puis, l'ensemble de mes recherches depuis plus de 10 ans, l'écriture de ce livre qui est en train d'être réécrit. Et il nous faut dépasser ces fausses oppositions. Construire des repères temporels. Oui, il nous faut dépasser, à mon sens, ces fausses oppositions pour pouvoir penser le même, quoi. Et l'altérité. Simon Quatros, une question. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut justement sortir de ces débats qui sont quand même très présents dans le débat public et qui, d'une certaine façon, navrent parfois par l'indigence de leurs propositions, quelquefois navrent ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent dans les classes et qui travaillent aussi bien dans le primaire que dans le secondaire et qui tentent justement de concilier ces approches différentes. Bien, peut-être par le dialogue déjà tout simplement avec les parents d'élèves qui sont les premiers concernés dans la société, dialogue qui passe par des réunions parents-professeurs, par des échanges plus collectifs, par aussi peut-être une certaine communication autour des programmes de la part soit de l'institution, soit des chercheurs ou des pédagogues qui en sont à l'origine. C'est quand même flagrant de constater que ces gens-là soit n'ont pas souvent la parole, soit ne prennent pas souvent la parole pour défendre un point de vue. Par exemple, là je reprends ce que disait Vincent Capdepuy sur ce que vous disiez sur la périodisation et sur les périodes canoniques qu'il faut remettre en cause. Mais le programme le fait, quand on prend le programme de CM1, le temps des rois, il part du 10e, 11e siècle, il part de la figure de Saint-Louis et il va jusqu'à Louis XIV. On dépasse bien l'opposition. Justement, histoire médiévale, histoire moderne. À l'invitation de Jacques Le Goff, entre histoire médiévale et moderne. Oui, et donc, on invite bien les élèves à penser que toute périodisation et toute chronologie n'a de sens qu'en fonction de ce à quoi l'on réfléchit. Vincent Capdepuy, même question. Comment éviter de tourner en rond au point de faire des trous dans le sol à force de tourner en rond, comme disait Pasolini dans un grand film de 1969? Je crois que j'ai pas de réponse à la question. je suis pas particulièrement optimiste sur cette intrusion permanente du politique et pas que du politique. Hein. Il y a un débat qui est un peu stérile dans les médias sur ça. Bon, après, il y a quand même des publications qui ont été faites récemment. Je pense à l'Histoire mondiale de la France, par exemple. On peut espérer que ce type d'ouvrage, peu à peu, finisse par renouveler certaines conceptions de l'histoire et du temps. Merci Vincent Capdepuis, merci à vous Christelle Boulineau. Je rappelle que le construire des repères temporels avec des œuvres du patrimoine, donc c'est chez Nathan et qu'il va être réédité. Merci à vous aussi Simon Catros, nous n'avons pas dit que vous êtes par ailleurs un chercheur et que vous avez eu la chance et l'honneur d'être pour votre thèse salué donc par le prix de thèse de l'IHEDN, l'Institut des hautes études en défense nationale. C'était en mars 2013, vous avez fait une thèse sur le rôle des états-majors dans l'élaboration de la politique étrangère française dans les années 30, et puis vous vouliez dire un merci particulier. Bah oui, je voulais remercier évidemment tous les enseignants qui m'ont accueilli dans leur classe quand je venais faire un reportage. Parfois depuis un an et demi, avec un technicien du son, et je prenais le son de l'ensemble de leur heure de cours. Voilà, leur accueil toujours chaleureux et enthousiaste. Je voulais aussi remercier les musées, parce que j'ai fait quelques séquences quand même dans des musées, qu'il s'agit du musée d'Orsay, de la Cité de l'Immigration, du musée de Cluny ou des Archives nationales qui font des ateliers avec les enfants et notamment les écoles primaires, l'ESPE, où j'ai fait aussi une séance très très enrichissante pour ce feuilleton. Et puis un grand merci en particulier à Laurence de Kock et Ayat El Kawashi qui m'avait rencontré avant que je commence ce feuilleton pour un petit peu me donner des idées, des axes de recherche pour travailler justement sur cette pratique de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France. Et puis rappelons tout de même que ces feuilletons, ils sont écoutables, téléchargeables et que ça n'est pas parce que la série est terminée que nous ne reviendrons pas sur ces questions d'enseignement de l'histoire régulièrement dans la Fabrique de l'Histoire et qu'on peut évidemment les réécouter, en particulier pour ces expériences pédagogiques très intéressantes que nous avons mises en avant, celle de lundi par exemple avec nos trois invités, mais aussi celle de mardi dans le documentaire ou d'hier encore à partir du fonds photographique du lycée Colbert. Voilà, en tapant tout simplement la fabrique de l'histoire scolaire. Exactement. Et vous arrivez sur les fichiers. Et comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Élise Leheu était avec nous à la technique ce matin et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.